Je ne sais pas dans quel pays je suis ou bien sur quelle planète. Devant un feu, un homme assis m'invite à y mettre la tête. J'y vais sans savoir, réfléchis, m'installe et y plonge tout mon être. Je vois mon corps d'abord détruit, disparaître et réapparaître. Au pays des songes de toi encore, vailleur, me fait vibrer la tête. Dans mon sommeil, je suis dehors à des centaines de kilomètres. Je ne suis plus maître de mon corps, veuillez refermer la fenêtre. Il fait si froid, je dors, il fait si chaud sur ma planète. Je ne sais pas dans quel écrit on m'a décrit telle planète. Et pas de forme ni même de vie pour me dire où je peux me mettre. La flèche à droite tournée d'ici, ensuite à gauche maintenant répète. Je suis trompé, je veux un taxi, un bus ou même une navette. Au pays des songes de toi encore, au Valium, me fait vibrer la tête. Dans mon sommeil, je suis dehors à des centaines de kilomètres. Je ne suis plus maître de mon corps, veuillez refermer la fenêtre. Il fait si froid, je dors, il fait si chaud sur ma planète. Ça y est, je crois que j'ai compris, je vois un ange qui fait la fête. Il est tout blanc dans son habit, il porte un bonnet sur la tête. Il me dit que je suis guéri, il fait des phrases, il fait des gestes. Mais je sais que les anges au paradis ont l'auréole et sont honnêtes. Au pays des songes de toi encore, au Valium, me fait vibrer la tête. Dans mon sommeil, je suis dehors à des centaines de kilomètres. Je ne suis plus maître de mon corps, veuillez refermer la fenêtre. Il fait si froid, je dors, il fait si chaud sur ma planète. Au pays des songes de toi encore, Valium, me fait vibrer la tête. Dans mon sommeil, je suis dehors à des centaines de kilomètres. Je suis plus maître de mon corps, veuillez refermer la fenêtre. Il fait si froid, je dors, il fait si chaud sur ma planète. Au pays des songes de toi encore. Dans mon sommeil, je suis dehors. Je ne suis plus maître de mon corps. Il fait si froid, je dors. Il fait si chaud sur ma planète. Il fait si chaud sur ma planète. À des centaines de kilomètres.